À propos du dévoilement du complot terroriste d'État ultra-géant contre notre direction suprême, conspiré par la CIA et l'Agence de renseignement sud-coréenne, le Comité de coordination d'État de la République populaire démocratique de Corée pour la prévention du blanchiment du fonds et de la sponsorisation au terrorisme a envoyé le 12 au groupe d'action financière pour la prévention du blanchiment de fonds une lettre qui note entre autres. La CIA et l'Agence de renseignement sud-coréenne ont corrompu un certain Kim, citoyen de notre République, et lui ont donné des instructions sur l'attentat terroriste à la bombe contre notre direction suprême, en lui fournissant à plusieurs reprises une grande somme d'argent illégal pour le terrorisme. Cela prouve que le danger des complots terroristes d'État ultra-géant des établissements de renseignement américains et sud-coréens contre notre direction suprême atteint une étape à ne plus négliger. Le groupe d'action financière, qui a pour mission de prévenir le blanchiment d'argent et le sponsoring au terrorisme et aux proliférations d'armes d'extermination massive à l'échelle mondiale, prend la responsabilité de prêter son attention requise au présent complot terroriste conspiré par les organes de renseignement américains et sud-coréens et de le prévenir. Le côté de l'Organisation internationale de contrôle financier est appelé à accuser les pays qui ont organisé ou comploté le présent attentat terroriste ultra-géant selon les articles d'exigence de la norme internationale consistant à rendre criminelle toute l'aide financière au terrorisme, à prendre des contre-mesures promptes et à coopérer à punir sévèrement jusqu'au dernier les organisateurs, complices et suivistes du complot. Si notre pays a pu dévoiler et déjouer à temps le complot terroriste, c'est grâce à l'établissement strict des lois et règlements contre le blanchiment d'argent et le terrorisme et au système étatique bien ordonné pour leur application. Nous demandons vivement une fois de plus à l'organisation de prêter son attention à notre appel et nous réaffirmons notre volonté de rester fidèles à l'avenir aussi à l'application loyale de la norme internationale pour la prévention du blanchiment d'argent et de l'aide financière au terrorisme et prolifération des armes d'extermination massive, sous la coopération étroite avec l'organisation afin de contribuer aux efforts de la communauté internationale pour déraciner le terrorisme.